Bonjour, bienvenue sur le podcast de la Cabane au Canada. Il s'agit du volume 0 et nous sommes le 14 mai 2005. Aujourd'hui, je vais vous emmener en balade avec moi sur l'avenue du Mont-Royal, donc une des belles avenues du quartier du Plateau où j'habite avec ma petite tribu à Montréal. Et on va aussi faire une petite visite dans un magasin Dollarama. Alors les magasins Dollarama, pour les non-initiés, il s'agit d'un magasin où tout est à 1$, donc tous les articles sont à 1$. C'est vraiment une institution à Montréal, il y en a à peu près à tous les coins de rue et c'est vraiment quelque chose à voir. Voilà, donc avant que je vous emmène en balade, quelques petites remarques. Donc le site internet de mon site web, l'adresse internet de mon site web, donc c'est journel, journel.webhop.net, journel.webhop.net. Si vous voulez m'envoyer un petit mot, vous pouvez m'écrire sur mon adresse Gmail, donc pjournel, pjournel, @gmail.com. Et puis voilà, donc mon prénom c'est Pierre, j'habite à Montréal depuis environ 8 ans. J'écoute des podcasts là depuis à peu près 2-3 semaines. Et j'ai un iPod depuis bientôt 4 mois maintenant. Et j'aime ça, les gadgets et bidouiller avec tout ça. Donc on va bien voir ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette petite balade à travers de Montréal vous plaira. Au revoir. Donc à nouveau une petite séquence promenade sur l'avenue du Mont-Royal. Donc là je vais bientôt arriver au croisement de l'avenue du Mont-Royal avec l'avenue Papineau. Papineau, c'est une des grandes avenues aussi de Montréal. Il me semble qu'il doit traverser de bord en bord d'ailleurs l'île dans l'axe nord-sud. Enfin plus ou moins nord-sud, hein, parce qu'en général ce qu'ils appellent le sud, c'est l'est et ainsi de suite. Bon, enfin comme l'île est un peu de travers, c'est plus simple de penser qu'elle est droite. Puis d'appeler le nord le nord et puis le sud, alors qu'en fait le sud est à l'est. Enfin bref. Regardez une carte, ça sera peut-être un peu plus clair. Donc malgré le temps assez pourri, il y a pas mal de gens qui se promènent. À pied, en vélo, beaucoup de vélos. J'ai toujours eu beaucoup de vélos à Montréal. C'est une ville où il y a même un bon nombre de kilométrages de pistes cyclables. Il y a même des irréductibles qui font du vélo en hiver. Ça donne parfois des situations assez cocasses. Quand il y a des tempêtes de neige. Là, on en a un peu marre de ce printemps pourri jusqu'à présent. Là. J'ai eu des grands extrêmes de température à Montréal. Mercredi dernier, il faisait quelque chose comme 24-26 degrés. Puis le lendemain matin, il faisait 3 degrés. C'est relativement courant à Montréal d'avoir des... des baisses de température comme ça, assez incroyable. Je repars dans l'autre sens maintenant et je vais m'arrêter devant le magasin Dollarama. Dollarama, c'est un magasin à 1$ où tout est à 1$, donc je vous laisse imaginer le genre de cochonnerie qu'on trouve là-dedans. Il y a de tout, hein. Des tasses, des fournitures de bureau, des cartes de vœux, des jouets. Les enfants raffolent de ça, évidemment. Et là, toute ma petite tribu est en train de faire des petits achats, parce que c'est la fête de notre aîné demain. Donc ici, c'est la tradition qu'on fait un anniversaire au moment du départ, de donner des petits sacs à surprise aux enfants. Donc un des slogans qu'on a un peu déformé de Dollarama, c'est dire « Chez Dollaramoche, tout est poche ». Poche en québécois, ça veut dire « naze »,« cheap »,« pas terrible ». Et 1$, faut parler. Voilà, fin d'une autre séquence sur Mont-Royal. Toujours sous la pluie. Voilà donc à l'intérieur du Dollarama. contempler la marchandise incroyable à disposition, en particulier des splendides mugs au Canada avec l'hymne national dessus. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est saint de fleurons glorieux. Un vrai bonheur. Puis juste à côté, évidemment, les tasses Québec avec la fleur d'Elysée. Un peu plus loin, il y a les Tupperware, les verres, les articles de cuisine, décoration. Ensuite, un rayon extrêmement fourni de fleurs en plastoc. C'est un vrai bonheur. On trouve même du pain de mie, des chips, des drapeaux du Québec juste à côté du drapeau du Canada. On n'est jamais trop prudent. Des articles de jardinage, des articles de jeux, raquettes, ballons, des cintres, des ardoises. Bref, un capharnaüm incroyable. Du miel, de la confiture, des biscuits soda, des compotes. Des rayons cadeaux, évidemment.